Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 16 mars 2021, alors il faisait aujourd'hui entre 5 et 9 degrés à Amiens. Le Bitcoin a encore pris 2 000 $ depuis la semaine dernière et il vaut actuellement 55 581 dollars très exactement au moment où j'ai vérifié tout à l'heure avant l'enregistrement de l'émission. Mon fils m'a fait me rendre compte que j'avais pas, et a priori très loin de là, fini Mario 3D World. C'est un vrai sujet quand même, hein, d'ailleurs, en matière de conception de jeux vidéo, de laisser autant imaginer que l'aventure est terminée, alors qu'il reste plein de monde à faire. Donc voilà, qui aurait cru hein, qu'il y avait d'autres contenus après avoir dégommé Bowser ? Sérieusement, je vous demande. Allez, au programme de cette émission préparée par Guillaume Poggiaspala, c'est une catastrophe inédite hein, à laquelle fait face Microsoft actuellement avec son service mail Exchange. Ils sont la cible de nombreuses attaques, on va en parler. On a aussi Netflix qui pourrait finalement et prochainement vous mettre des bâtons dans les roues si vous partagez votre compte. C'est étonnant parce que souvent ils font même des communications sur les réseaux sociaux pour faire des clins d'œil sur le fait qu'ils savent très bien qu'on partage nos comptes. On parlera aussi d'Apple qui va autoriser à priori, on va le surveiller, mais c'est dingue évidemment si ça se vérifie. Il va autoriser la préinstallation d'applications sur les iPhones russes. On tremble. Et puis, nous aurons une belle rubrique sur l'intelligence artificielle avec la mobilité, le fameux Full Self Driving de Tesla, le FSD qui présente pour le moins quelques lacunes, a priori, hein, là où Waymo avance sérieusement dans la mobilité autonome. On parlera aussi d'algorithmes qui devraient nous aider à identifier les deepfakes. Et pour cela, évidemment, je vous invite à me regarder droit dans les yeux. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech ce que Persévérance est à la planète Mars, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, voilà, Persévérance à la planète Mars, une espèce de petit moustique qui fait des trucs, je sais pas. Non, tu sais, je me suis rendu compte en lisant que c'était gros comme une voiture, ce truc. Moi, je m'étais pas rendu compte de la taille. Et alors, j'ai eu un coup de grand plaisir quand j'ai raconté à mon fils de 4 ans hier soir, je lui lisais une histoire pour s'endormir sur l'espace, et je lui ai montré des vidéos de l'atterrissage de Persévérance qu'il avait pas vu. Et ce matin, au petit-déj, il en a reparlé. Il paraît qu'il en a reparlé à l'école. Je sens qu'il y a une vocation qui est en train de naître. Sur Apple Podcast, à propos de Tech Café, il est possible de lire l'avis de Kevin Savin qui a dit au top. Il décrit même un vrai plaisir chaque semaine. La section domotique est super avec l'invitation d'invités calés sur le sujet. Merci encore. Donc ça fait évidemment toujours plaisir de voir vos avis. Et puis, tu sais Guillaume, qu'en plus de lire semaine après semaine ses avis sur le podcast, il y a autre chose qui me fait énormément plaisir. J'envoie une petite vidéo personnalisée de bienvenue pour chaque personne qui décide de nous soutenir sur notre page Patreon. Si vous découvrez Tech Café, sachez que vous pouvez devenir en quelque sorte un poditeur premium à partir d'1,50€ par semaine. En fait, je me suis rendu compte que c'était moins cher qu'un cheeseburger au McDo. Franchement, si ça vaut pas le coup d'aller envisager de nous soutenir, je sais pas ce qu'il faut faire. Merci en tout cas à Kevin, Franck et à Olivier Delclos qui ont choisi de soutenir l'émission. Sans autre forme de procès, Guillaume, comme je le disais en intro, c'est très très chaud en ce moment pour Microsoft. On avait commencé à parler de ce sujet dans le précédent épisode avec Kassim, mais c'est loin de s'arranger. La situation est même un peu catastrophique pour Microsoft là. Ouais, ça s'arrange pas vraiment, hein, puisque bon, désormais, c'est plus de 120 000 serveurs qui sont toujours vulnérables, alors que le nombre de victimes doublait toutes les heures jusqu'en fin de semaine dernière. Donc maintenant, il y a plus de 10 groupes de hackers qui sont désormais sur le coup. Donc Hafnium n'est plus un que parmi d'autres, hein, finalement, et l'attaque, elle est désormais mondiale. 18% de serveurs attaqués sont américains, mais 19% sont turcs, 10% italiens. En Allemagne, il y a plus de 60 000 machines qui étaient vulnérables. Pas beaucoup de Français, a priori? Alors, écoute, ils sont peut-être dans les autres, une grosse part du camembert qui est autre, donc évidemment, je sais pas, mais il y en a certainement, de toute façon, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de Français qui soit touché, je pense. Et donc, oui, en Allemagne, il y a encore 25 000 machines qui sont probablement encore vulnérables. Il y a 2 agences fédérales, d'ailleurs, qui ont été compromises, et il y a plus de 20 000 organisations à travers le monde hein, qui ont été piratées, dont le Parlement de Norvège. Bon, c'est même que 17% des attaques ont des cibles militaires, ou gouvernemental, disons. 11% des cibles sont le secteur bancaire, 8% c'est la santé, 7% c'est l'éducation, donc on a quand même une bonne idée. qui se fait attaquer. Alors les hackers qui exploitent les failles laissent en général, comment ça se passe, hein, c'est-à-dire ils laissent en général ce qu'on appelle un web shell. Un web shell, c'est simple, hein, c'est un terminal en ligne de commande, un truc qu'on peut avoir sous Linux ou quand vous faites CMD, la commande sous Windows, sauf que c'est directement accessible par le navigateur. Il suffit d'avoir l'adresse et hop, vous avez le shell. Et ce shell, bah, il permet d'exécuter n'importe quoi. C'est un shell root, voilà, vous avez absolument tous les pouvoirs sur la machine compromise. Et donc bien sûr, bah, il suffit pas d'appliquer le patch Microsoft pour se débarrasser de ce shell, puisque le patch ferme le trou, mais évidemment la porte dérobée reste, et pour éliminer le web shell et tout ça, il faut tout réinstaller, enfin en tout cas il faut l'éliminer explicitement. Et donc bah, ces web shells, Cryptos Logic en a trouvé quand même à elle seule près de 7000, qui peuvent être utilisés pour faire tout, donc déployer des ransomware. Alors là, ben, y en a un qui se balade, hein. Cette fois c'est pas WannaCry, c'est DearCry. Donc on a deux facettes à l'attaque en fait, hein. D'une part il y a un volet espionnage un peu avec des cibles qui sont plutôt stratégiques, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de think tanks, il y a des universités, des ministères, et d'autre part on a une attaque qui est plutôt massive et qui cherche à rentabiliser la faille avec voilà, du bon vieux ransomware ou du cryptominer aussi bien entendu. Bon, d'après E7, il y a plus de 10 groupes qui sont actifs, alors ils ont des noms rigolos, hein. Ils s'appellent Hafnium, il y a aussi Lucky Mouse, Calypso, WebSilic ou Tik. Bon, il y a une grosse prolifération quand même, et en fait c'est une prolifération qui est rapide et qui est même bah, bizarrement rapide, tu vois, parce que le timing est assez étrange. Mmh. Hein. Bref, mmh. si on revient un petit peu sur la chronologie, quoi, hein, Hafnium exploitait la faille depuis le 3 janvier au moins, le 5 Microsoft est mis au courant, après il y a Tik qui exploite la faille le 28 février, suivi de très près par 3 autres groupes le 1er mars, dont Tac, non je sais pas, s'en fout, et donc le 2 mars, Microsoft publie le patch, et le lendemain, le 3 mars, il y a quand même plus d'une dizaine de groupes qui tentent le coup, hein, donc l'exploitation est massive, quoi, ouais. Mmh. C'est vachement bizarre, parce que bon, j'avais dit la dernière fois, hein, tu sais, qu'il est un patch sort, il est courant de décortiquer le patch pour savoir ce qu'il corrige, en fait, hein, et comme ça, tu peux tenter d'exploiter le trou, pour ceux qui n'appliquent pas le patch, hein, ça arrive toujours, mais bon, il faut quand même dire, en 24 heures, tu décompiles le patch, tu en fais une suite d'outils fonctionnels, c'est quand même très très très fort, c'est même carrément improbable. Donc les groupes actuellement actifs, bah, soit ils ont acheté les outils, donc le prix, alors il faut voir que le prix des failles 0D, il est d'autant plus important que ces failles sont inconnues. Donc évidemment, une faille 0D qui est publiée, patchée, ça coûte plus rien du tout. Du coup, les prix chutent, peut-être que tout le monde s'est jeté dessus, et que, voilà, du coup, tout le monde l'a acheté. Ou alors, bon, bah, écoute, les groupes sont en contact les uns avec les autres, se passent les infos, ce qui arrive pas très souvent finalement, parce que chacun roule pour soi en général dans ce milieu, mais si c'est une coalition de groupes de hackers sponsorisés par l'État chinois, il pourrait se passer les infos effectivement, et puis après il y a d'autres qui pourraient passer derrière, etc. Il y a peut-être une compète organisée par un État ennemi, tu vois, qui a dit « Allez les gars, grosse compète ce mois-ci, on vous donne tels accès, et celui qui fait le plus de dégâts a gagné, tu vois. » Bien savoir, écoute. Dispositif. Hein. Mais c'est suspect quand même. Hein. D'ailleurs, Microsoft lance une enquête, hein, pour savoir si, par hasard, il n'y aurait pas un partenaire que Microsoft aurait mis au courant de la faille avant qu'elle ne devienne publique et qui n'aurait pas fait fuiter l'info. Donc ça, c'est dans le cadre de la MAP. Volontairement ou involontairement, évidemment. Volontairement ou involontairement. En tout cas, il ferait probablement partie de ce qu'ils appellent la MAP. Donc c'est la Microsoft Active Protection Program. La MAP avec deux P, en fait. Et bah, c'est un réseau de partage de l'info, en fait. Hein. Donc, c'est 80 boîtes spécialisées dans la sécurité informatique. Donc, y en a une dizaine, quand même, parmi ces 80 qui sont basées en Chine. Et bon, Microsoft a partagé l'info de la Fire Exchange avec la MAP début janvier. Donc, c'est bien avant le patch de début mars. Et dans l'intervalle, il y a quand même 5 groupes de hacking qui ont commencé l'exploitation. Bon. Alors, rien pour l'instant ne prouve qu'un membre de la MAP, hein, peut-être chinois, ait poucavé à quiconque, mais bon. C'est pas avec des cyberattaques massives explicitement liées à un état bien défini quand même que tu vas améliorer la confiance mutuelle. Hein. C'est voilà, c'est faux. C'est impossible d'imaginer que ce truc va pas accroître la défiance et le soupçon de l'Occident envers la Chine. Hein. C'est pas très bon pour la diplomatie tout ça. Ouais, ça sent un peu, je fais écho à ton titre dans les notes de l'émission, mais ça fait un petit peu écho à la guerre froide, et comme je regarde en ce moment For All Mankind, qui est une façon de revisiter l'histoire autour de la guerre froide et de la conquête spatiale, mais évidemment beaucoup de la guerre froide, eh ben ça me fait froid dans le dos quelque part, et on peut se dire qu'il pourrait y avoir une escalade. T'as vu qu'il y a la sœur de Kim Jong-un en Corée du Nord qui a aussi renouvelé des menaces à l'encontre des États-Unis aujourd'hui, même si le nom du président n'est pas cité, mais on sent sens qu'il y a vraiment cet affrontement qui est exacerbé. Les dés sont lancés, on verra combien de temps ça va durer. On espère quand même qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une accalmie sur ces attaques, parce que ça ne peut aller que de mal en pis. On va reparler un petit peu d'Emotet, on en avait déjà parlé, Guillaume, qui n'est pas le dieu égyptien, mais plutôt une tentative de lutter contre des attaques. Ben ouais, Imhotep, c'est vrai qu'Emotet, tu vois, j'y arrive pas. Imhotep. Non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est Emotet. Donc Emotet, ouais, on avait parlé d'Emotet, hein, c'était un botnet de diffusion de malware. Alors, faut pas oublier qu'il n'y a pas que la Chine, évidemment, et les grosses attaques géantes comme SolarWind et compagnie, Hafnium, machin. Donc Emotet, c'était un énorme outil du cyberbanditisme, en fait, le classique, quoi, de tous les jours. Et après Emotet, c'est Trickbot, d'ailleurs, qui est quand même une valeur sûre depuis 2014, qui est en train de devenir le malware le plus répandu. Alors pourquoi? J'imagine, tu sais, leur signature, depuis 2014, avec la petite écriture manuscrite, comme les grands cuisiniers ou les grands chocolatiers. C'est exactement ça. C'est malware numéro 1 depuis 2014. C'est ça. Mais c'est presque ça, en fait. Sauf qu'il n'était pas numéro 1, d'ailleurs, Trickbot, il était plutôt numéro 2, mais bon, il est quand même très polyvalent. Il peut faire un petit peu ce que vous voulez sur une machine compromise. Hein. Donc là, encore, un crypto mining, keylogging, donc voilà, keylogging, donc c'est quand il enregistre les touches que vous tapez. Donc évidemment, c'est... A fortiori, les logins mot de passe. Il enregistre tout, y compris, bien entendu, les logins mot de passe. Il y a aussi les vols de coordonnées, les vols d'identifiants, etc. Donc, voilà, la cybercriminalité, hein, comme dans la vie, ben, la vraie vie matérielle, quoi, elle est grande, petite et quotidienne. Hein. On parlait de la fuite de données de santé de la semaine dernière. Ben, le parquet de Paris a lancé une enquête judiciaire sur l'affaire. Hein. La CNIL a mis en ligne une page de conseil. Et vous pouvez porter plainte. Il y a même des lettres plaintes en PDF pour simplifier le processus, que vous trouverez en ligne assez facilement. Et donc les plaintes sont remises à l'Office central de lutte contre la cybercriminalité. Et parce que bon, alors à quoi ça sert d'ailleurs les gros volumes de données personnelles comme ça? Bah, c'est utile pour le phishing. Bah, ça permet de connaître les gens, les adresses des gens, etc. Puis leur nom, leur petite particularité. Et puis c'est aussi utile pour les attaques combo. Donc souvent avec plusieurs lots de données, éventuellement, hein, tu peux faire des recoupements email mot de passe. Et alors, c'est pas nécessairement les bons pour la boîte email, mais il arrive très souvent qu'on réutilise souvent les mêmes mots de passe sur divers comptes. Moi, toi, voilà, on fait bah, beaucoup de gens comme moi, comme toi, faut sans doute peut-être, en tout cas, font l'erreur. Enfin, toi, t'as LastPass, mais. Non, moi, je fais l'erreur. J'utilise un gestionnaire de mots de passe, monsieur. C'est ça, et moi, je fais l'erreur. Mais je devrais pas le dire. Enfin, bref, donc globalement, effectivement. Oui, c'est vrai, tu viens te griller tout seul. Il faut vite que je change tout. Quand on a un combo mot de passe email, si on peut essayer de se loguer en fait sur une multitude de comptes, souvent il y en a un ou plusieurs qui passent, quoi, tout simplement. Et donc, entre ça et le hameçonnage, on peut se constituer des bases de comptes, tout simplement, comme des comptes Netflix, par exemple, qu'on peut ensuite revendre à moindre prix à la sauvette. Enfin, à la sauvette ou même sur des groupes Telegram ou des sites plutôt connus en vrai. Et ça, c'est de la petite criminalité, hein, ça existe depuis longtemps, et d'ailleurs, dans le cas de Netflix, peut-être que ce sera un petit peu plus difficile, comme tu disais, parce que Netflix se réveille, hein, sur le partage un peu. Alors, parfois, ça, c'est incroyable. Parfois, parce partage que... un peu large. Que... Oui. Mais non, mais c'est fou parce que depuis très longtemps, Netflix en a fait un argument de communication, un argument de coolitude que de revendiquer le fait qu'ils savent que tu partages ton accès à Netflix avec tes proches et qu'ils vont pas te l'empêcher. Enfin bon, ils disent, ils vont bien t'expliquer que c'est pas bien légalement, mais ils en jouent dans leur communication et là, il semblerait que pour une fois, contrairement à d'autres fois où on avait eu des rumeurs qui ne se sont pas avérées vraies par la suite, il semblerait vraiment qu'il y ait une démarche, même s'il y a rien d'effectif encore. Honnêtement, justement, tu sais, bon, c'est vrai que ce partage un peu large, un petit peu, des comptes Netflix, qui est fait, voilà, avec les potes, bon, c'est bien stipulé sur le contrat que vous avez souscrit, quand vous avez pris Netflix, que seules les personnes qui vivent avec vous peuvent bénéficier de votre compte. Donc, pas les potes, pas les potes de potes, etc. C'est explicitement interdit, en fait. Bon, c'est vrai que Netflix ferme les yeux un peu là-dessus, il est quand même en train de tester apparemment une vérification, donc sans doute par adresse IP, c'est très simple en fait. Hein. Donc vous êtes bien sous le même toit, avec un code de vérification par mail, si jamais c'est pas le cas, s'il y a un problème. Alors c'est un truc facile à contourner en fait, hein. Si vous connaissez personnellement le titulaire du compte, vous lui demandez c'est quoi le code. Un petit coup de fil et c'est bon. Mais bon, si c'est un compte volé, c'est beaucoup moins facile. Donc si la mesure se généralise, en fait, elle pourrait lutter beaucoup plus contre le marché noir de compte Netflix que contre le prêt entre potes. Qui semblerait toujours relativement toléré, à voir. Ouais, ce qui serait pas plus mal finalement, parce qu'on peut pas se satisfaire qu'il y ait un piratage comme ça pour à l'encontre de services. Et il faut reconnaître quand même hein, que y a la période qui fluctue, mais je reconnais que je suis. Moi, ça m'agaçait de pirater. J'appelais de mes voeux une licence globale qui n'est jamais venue et qui ne viendra jamais, bien évidemment. Mais il y avait quand même à l'époque, quand tu voulais consulter des séries, des films, il était très très facile et c'était même la meilleure solution et la plus économique évidemment de pirater. Mais depuis qu'il y a Netflix, moi j'avoue que ça a été une solution qui certes ne me permet pas de consulter tout ce que j'aimerais voir dans le monde et tout ce qui existe. En même temps, est-ce que j'en aurai un jour la possibilité? Je ne sais pas. Mais par contre, l'expérience utilisateur, elle est clé parce que tu lances Netflix, tu as ton abonnement et tu as plaisir de pouvoir consulter à volonté ton contenu. Et évidemment, ça a été un argument très très fort pour lutter contre le piratage dans une certaine mesure. Oui, bah après, c'est toujours la même idée que bon, la prolifération de ce genre d'offres va tuer ce truc-là et ça va oui. Redoper le piratage. On le constate déjà. Parce que bon, avec notamment Disney+. Oui, bah, les gens s'abonnent à un, deux, trois trucs. Après, ouais. Vraiment, après, faut pas déconner. Ouais. Bah, c'est ça. C'est sûr. Mais moi-même, j'avais testé, tu vois, pendant deux mois YouTube Premium, ce que je trouve d'ailleurs être une hérésie parce que je pense que je passe beaucoup trop de temps de très mauvaise qualité sur YouTube et en plus, j'améliorais l'expérience pour passer du temps de mauvaise qualité. Tu vois, c'est comme si tu disais, je regarde une télé-réalité, je regarde les Marseillais, je sais pas quoi, et en plus, je veux le regarder avec de la haute qualité et surtout sans la pub, avec une expérience Premium. Tu prends le burger frites avec la sauce, mais super size. C'est ça. Donc c'est vraiment l'expérience horrible. Donc bon, déjà j'ai résilié et puis je trouve quand même malgré tout est relatif, mais que YouTube est un peu cher. Et idem pour finalement. Alors je le dis pas trop fort parce que peut-être qu'ils m'entendent, mais pareil pour Disney+. Tu vois, j'ai lancé la résiliation parce que la famille le consulte très très peu et Netflix a quand même l'avantage d'être là en premier, d'être assez polyvalent dans ses contenus qu'il propose. Et j'imagine effectivement, comme tu le dis, qu'il y a des gens qui font les tris sur leurs abonnements. Bref, on va parler d'autre chose, mais on va continuer à parler de sujets qui touchent à des affrontements comme ça concernant des grands continents. Là, c'est Xiaomi. Alors Xiaomi, qu'on a décrit comme étant un acteur qui avait été un petit peu préservé des actions et des décisions politiques américaines à l'encontre des acteurs technologiques chinois. Et puis, finalement, revient un petit peu comme étant une cible. On en avait là aussi déjà parlé dans le dernier épisode, Guillaume. Ben ouais, Xiaomi, alors, ennemi ouais, ou pas? Parce que voilà, tu sais que le Department of Defense l'a blacklisté, et ben Xiaomi a contre-attaqué un argon qui va souffrir de dommages énormes et irréversibles, hein, s'il est pas, parce que voilà, si, parce que ce n'est pas une compagnie militaire, donc non, c'est injuste, c'est trop injuste, et en fait, il se trouve que le juge Rudolf Contreras est plutôt d'accord, puisqu'il est sceptique hein, sur le fait que, comme Trump l'affirmait, une compagnie civile pourrait poser une menace directe. Donc, il est possible que Xiaomi réchappe, en fait, hein, au coup près. Donc, ce qui d'un point de vue de la défense est pas forcément plus valable que la même défense qui serait portée par un Huawei par exemple, parce qu'effectivement on peut imaginer qu'il y a plus de sensibilité sur la sécurité pour un acteur technologique qui t'apporte ses smartphones d'un côté mais aussi ses grosses antennes que tu vas mettre partout dans ton pays pour que tout le monde puisse se connecter, mais malgré tout il y a pas plus de fondement sur un Xiaomi, un Huawei ou quel que soit l'acteur chinois. Il y a pas plus de preuves d'ailleurs. Alors, il n'y a clairement pas plus de preuves. Je pense que Xiaomi, il est, je ne sais pas s'il fait des infrastructures 5G, puisque c'était quand même le cœur du problème avec Huawei, il me semble bien. Hein. C'est ça, donc, c'est ça. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui ferait que ce serait sensible aux oreilles d'un juge dans le cas de Xiaomi et pas dans le cas de Huawei? Bon, évidemment, on a compris la différence quand même entre les deux. Mais bon. Et il me semble que Xiaomi fait que des produits grand public, effectivement, et pas d'infrastructure. J'ai vérifié pendant qu'on continue, Guillaume. Bah, ils veulent se lancer, en fait. Hein. Ils veulent se diversifier, ils veulent se lancer. Mais pour l'instant, effectivement, c'est plutôt quand même du produit pour le public, quoi. Donc je suis pas certain effectivement que ce soit d'actualité. Bah, de toute façon, tout le monde n'est pas vraiment d'accord de toute façon sur comment considérer la Chine. En vrai, hein, la Chine, voilà, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, est-ce qu'on va avoir confiance à propos de quoi? Bon. Alors, si on se base sur les attaques contre Microsoft Exchange, on a une petite idée. Mais c'est un petit peu l'idée. Mais c'est pas les acteurs privés, entre guillemets. Cela dit, si nous, on a du mal parfois à se positionner, la Chine, elle, semble tout à fait consciente hein, qu'elle peut pas et qu'elle pourra pas toujours, en tout cas, compter sur l'Occident. Parce que, bon, après 4 ans de Trump, Après la pandémie et diverses pénuries associées, la Chine, elle est plus consciente que jamais qu'elle doit être beaucoup plus autonome sur le plan technologique. Et d'ailleurs, le prochain plan quinquennal, qui a été dévoilé vendredi dernier, il est clair là-dessus. Hein. Le développement technologique, c'est une question de sécurité nationale. Donc le budget de la recherche, il va augmenter de 7% par an, et celui de l'armée de 6,8% par an. Et la Chine produit, pas, pour l'instant, pas énormément, en fait, hein, moins de 16% des puces dont elle a besoin. Et ça a presque pas bougé depuis 2014. Et c'est sûr que ce serait pas un si gros problème s'ils pouvaient compter justement sur les technologies américaines sans souci particulier. Mais c'est devenu tout à fait évident que c'est pas le cas. Donc déjà, il faut se souvenir qu'il y avait un plan qui s'appelait Made in China 2025, où ils voulaient passer à 70% de puces conçues et produites en Chine pour 2025. Bon, c'était extrêmement ambitieux, et bon là, clairement, vu où ils en sont, c'est pas réaliste du tout. Et donc, mais par contre, ça a foutu les jetons à tout le monde. Parce que cette souveraineté, évidemment, c'est quand même hyper stratégique. Mais bon, là, il y a le nouveau plan qui est arrivé, et c'est le même, en vrai, hein, c'est-à-dire c'est réduire au max la dépendance de la Chine aux tech occidentales. Et les milliards, ils sont presque déjà là, en fait, hein, puisque la Banque de Développement de Chine va débloquer quand même 60 milliards en prêts, et pour un beau millier de firmes innovantes, hein, et pas moins de 30 milliards de fonds pour le développement de la microélectronique. Donc, et ça, c'est en plus du plan de recherche sur 10 ans, avec hausse de 7% par an, et c'est même 10% pour cette année 2021. Donc les Chinois, en fait, ils veulent et voudraient avoir un TSMC à eux ou un Samsung à eux. Mmh. Évidemment, ça ne va pas être possible du jour au lendemain. Mais en attendant, elles courtisent quand même des acteurs clés. Elles signent de gros contrats avec des boîtes qui sont non américaines, comme ASML. Alors, tant que les US ne font pas trop les gros yeux, ça passe. Mais il faut voir que les États-Unis aussi ont mis en place un plan de relance à 2000 milliards de dollars. Et sur ces 2000 milliards de dollars, il y a 850 pour soutenir les entreprises. Donc à bien des égards, écoute, on est en train de voir le monde se repolariser, quoi. On vit quand même, je pense, un tournant historique qui est pas sans évoquer un début de nouvelle guerre froide. Et d'ailleurs, course à l'espace comprise. C'est ça qui est assez sensationnel, puisque les Chinois et les Russes ont signé un accord pour le développement d'une station lunaire. Donc c'est la China National Space Administration et Roscosmos qui pourraient être à l'origine de la première base lunaire, comme la NASA fut à l'origine de l'ISS. Donc le but, ce serait d'établir d'abord une base automatisée, dans un premier temps, hein, puis de faire des courts séjours hein, habités, bon, ça ce serait à l'horizon 2030, et après ce serait d'explorer la possibilité d'exploiter les réserves d'eau au pôle sud pour des séjours plus longs, et ça ce serait pour 2036-2045. Alors il faut voir que pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, sont en plein programme Artemis pour retourner sur la Lune. Et c'est vrai que c'est pas possible de pas voir le début d'une nouvelle course à l'espace entre les deux blocs, hein, comme dans les années 60. Alors bien sûr, ce sera différent. Artemis, comme le programme lunaire sino-russe, sont ouverts aux autres pays. Hein. Évidemment, Roscosmos trouve Artemis trop US-centrique, d'ailleurs. Et l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, a déjà manifesté un intérêt envers le programme russe. Donc les lignes des années 30-40 seront sans doute pas les mêmes que celles des années 60-70. Quand je dis 30-40, c'est évidemment 2030-2040. Mais alors que ce ne seront pas les mêmes que celles des années 1960-1970. Mais c'est vrai qu'on vit une époque passionnante, il faut quand même bien l'avouer. Alors, d'ailleurs, entre tout, peut-être même qu'elle est un petit peu trop passionnante. Il faudra peut-être qu'elle devienne plus parce que ça suffit là. On se calme quand même dans le passionnant, là. Il y a des limites à tout. Écoute, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en ce moment pour regarder For All Mankind, donc la série d'Apple TV+, que je trouve vraiment bien faite, qui ne parle pas évidemment que de ça, mais c'est quand même beaucoup axé sur la conquête spatiale et sur la guerre froide, donc c'est rigolo de voir ça. C'est dystopique et donc tu as l'impression d'avoir une variation entre l'histoire qui a eu lieu dans les années 70, ce qui est en train de se dessiner et en même temps un peu d'imaginaire. Au passage, on avait déjà parlé hein, de cette directive légale de la part de la Russie qui voulait forcer les constructeurs de smartphones à partir du 1er avril 2021 à intégrer des applications préinstallées. Alors, il s'avère qu'il y a eu un article là qui est tombé tout à l'heure de 9to5Mac qui a été partagé par Walt Mossberg qui dit si c'est vrai, c'est terrible, mais effectivement, Apple devrait a priori permettre à la Russie de préinstaller les applications qu'ils veulent sur les iPhones. En gros, on ne sait pas exactement quelle est l'implication sur le plan technologique à ce stade, mais ce qu'on suppute à ce stade, c'est que le lancement d'iOS pour la première fois pour les futures versions donc d'iOS qui pourraient arriver à partir de septembre intégrerait de la suggestion au lancement de l'application pour installer des applications, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas forcément préinstallés, mais ça pourrait être en gros des options qui te sont rendues possibles. Alors tu peux décocher, bien heureusement, tu peux aussi supprimer des applications a posteriori, mais c'est marrant de voir que la Russie pourrait obtenir gain de cause. Est-ce que tu y crois, toi ? Est-ce que ça pourrait être le cas dans les semaines à venir que Apple propose ça sur les iPhones russes ? Oui, bah pourquoi pas. De toute façon, il faut bien qu'ils s'adaptent au marché. Ils se sont adaptés pour avoir le marché chinois. Ils pourraient s'adapter pour avoir le marché russe. Ouais. Ça va donner du grain à moudre à Tim Sweeney, hein, donc d'Epic, qui est tout feu tout flamme, puisque lui, bah oui, non seulement il a attaqué un petit peu partout, hein, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, donc Apple, mais il a aussi attaqué Google. D'ailleurs, c'est en Australie qu'il a déposé une plainte contre Google, qui est analogue, bien qu'un petit peu différente, évidemment, puisque voilà, on sait bien la différence entre Android et iOS, mais globalement, oui, il y a une Epic et attaque donc les App Store globalement, qui trouve monopolistique. Et c'est vrai que bon, Apple qui se défend toujours comme voilà, on est les, c'est pour votre sécurité, c'est parce qu'on est intraitable sur la qualité, tout ça. Bon, c'est vrai que avec les petits arrangements qui peuvent se faire d'un pays à l'autre, ça va donner du grain à moudre, même à Mark Zuckerberg d'ailleurs, hein, qui est très remonté contre Apple et qui avait déjà utilisé cet argument de dire regardez, ils disent qu'on est les méchants, mais enfin ils vendent à tour de bras des iPhones en Chine et ça leur pose pas de problème. Bon. c'est pas complètement faux. Et quelque part, je t'avoue que quand on creuse le sujet, je trouve pas ça forcément mal, forcément. On va partir du principe qu'une application comme Tous Anti-Covid soit efficace. Admettons. Ok, c'est une vue de l'esprit, mais admettons. Demain, si on a une application qui est efficace face à une pandémie et qu'elle peut être préinstallée sur les smartphones qui sont proposés par Apple, mais aussi ceux qui sont proposés par avec d'autres OS, moi, finalement, je me réjouis et je me dis que c'est plutôt positif. Oui, non, mais préinstaller des applis, ça se fait depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, il faut voir de quoi sont classiques. Pas sur iPhone, en fait, mais... Ah, sur Android, sur iPhone, oui, bien sûr, oui, c'est sur le Android, cas. Il faut voir de quoi sont classés les téléphones quand bien tu les sûr. Achètes, souvent, enfin, parfois, bien pas sûr. Toujours. Ouais. Acheter un smartphone Samsung, vous allez avoir du Google, du Samsung, du Microsoft, vous avez un peu de tout dedans, hein, d'ailleurs. On continue peut-être avec notre démarche à l'encontre de l'espace, Guillaume. Et oui, on parle d'espace. Impossible de pas parler donc du côté privé aussi de l'espace, qui est un truc qui différencie bien notre époque des années 60 quand même, hein, puisque donc SpaceX a un petit peu expliqué l'explosion de son proto spaceship spaceship SN10. Donc le truc est arrivé un peu trop vite en vrai, donc il s'est cassé une patte et du coup il a endommagé la base. Et bon, ben voilà, c'est un truc endommagé, fuite, boum. Bon. Donc le problème, apparemment, ce serait un problème de pressurisation des réservoirs d'hélium et de méthane, hein, qui serait à l'origine. Bon, voilà, ça n'a pas l'air facile à résoudre. Bon, apparemment, il s'est planté. On verra sur SN11. En tout cas, bon, ils vont y arriver, de toute façon. Oui, c'est bon, sûr. Écoute, espérons qu'ils soient prêts pour 2023. Pour le cas, en tout cas, pour Yusaku Maezawa. Donc, Yusaku Maezawa, c'est le japonais qui finance le premier vol privé autour de la Lune. C'est vrai. Donc, il cherchait un équipage pour l'accompagner et il a reçu plein de candidats. En fait, des c'est pas lui de qui faisait un concours pour des filles. Il voulait pas être accompagné par des filles pendant un temps. Non, je confonds peut-être. Non, je crois que c'est, je crois que c'est lui. Attends, est-ce que je confonds? C'était lui, hein. Il me semble. J'ai un doute, mais il me semblait bien que ouais, c'était lui, effectivement, lui, ouais. Qui avait lancé un concours un peu sulfureux, un peu bizarre. Innocent. Enfin, bon, en tout cas, il a reçu, t'inquiète pas, des milliers, des centaines de milliers de candidatures, il n'y a que 8 places. Hein, et si vous voulez candidater, eh ben c'est trop tard. Voilà. Bon, c'était jusqu'au week-end dernier. Bon, pour le moment, de toute façon, c'est vrai que Spaceship ne donne pas très envie de monter à bord. Hein, mais bon, voilà, il reste encore. Voilà, t'inquiète pas, il reste encore 2 ans de proto à tuer, donc ça va aller. Et puis bon, il n'y a pas que Spaceship. Ça paraît court, en fait, mais bon. Pardon, vas-y. Oui. Ça paraît court, en fait, 2 ans, effectivement. On ouais. espère qu'il y aura pas un peu de retard, parce que si on te dit je vais monter dans un truc qui, 2 ans plus tôt, explosait à mort, c'est pas rassurant. Enfin bon, bref. Écoute, bon, de toute façon, il n'y a pas que SpaceX dans la vie, en fait. Il y a une quantité aussi de plus petites boîtes hein, qui travaillent dans le secteur. Mais bon, c'est vrai qu'il y a assez peu qui sont sur le développement de fusées, proprement dites, et de propulseurs de moteurs. C'est quand même très cher, c'est pas évident. On voit à quel point c'est pas évident. Hein. Et à quel point ça peut voilà, être coûteux. Donc SpaceX a cassé les prix quand même, hein, déjà, pour envoyer des trucs dans l'espace. Et bon, faire encore moins cher et exister donc face à SpaceX, pour l'instant, c'est pas évident. Donc le truc, c'est peut-être que de viser la bonne catégorie. Et la bonne catégorie, ce serait celle des poids moyens, puisque Falcon 9 est plutôt un poids lourd, puisque c'est 22 tonnes au maximum. Et bon, il n'y a pas tel point qu'il paraît que souvent, mais la fusée, elle n'est pas pleine à ras-bord. Donc partant de ce constat, et de celui de la généralisation des constellations de satellites aussi, il y a Rocket Lab qui envisage de produire un nouveau réacteur qui s'appelle le Neutron, Parce qu'en fait, ils en ont déjà un de réacteur. Il s'appelle l'électron, et comme on peut s'en douter, il est plus petit. Enfin, il propulse une charge utile de 300 kg max. Donc c'est bon pour les tout petits satellites. Hein. Mais bon, entre le gros fret de Falcon 9 et les poids-plumes comme lui, ben Rocket Lab veut se faire une place, hein, et c'est avec Neutron qui devrait envoyer 8 tonnes. Donc entre les 7 millions de dollars que coûte le vol de l'électron, et les 60 millions de dollars que coûte le vol de Falcon 9, ben Neutron pourrait se faire une place, en fait, tout simplement. Et s'il le fait, il pourra même limite battre SpaceX au prix kilo lancé. Donc voilà, c'est peut-être encore un acteur hein, qui rendrait l'espace encore plus accessible. Donc voilà, c'est quand même une époque passionnante qu'on vit. Bon, c'est dommage qu'on la vive avec des masques et du gel qui pue, mais voilà, ça pète un peu l'ambiance, mais c'est une époque passionnante. C'est vrai, mais heureusement qu'on peut les enlever et être tranquillement chez soi pour regarder toutes ces belles infos que tu nous sélectionnes, Guillaume, et dont on peut parler dans Tech Café. Allez, une autre catégorie de news qu'on va commencer dès maintenant, c'est celle des intelligences artificielles. Alors, on en avait parlé à plusieurs reprises dans Tech Café d'hier, là j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu un aussi beau tunnel sur le sujet, et il y a pas mal d'actualités qui tournent autour de l'IA. À commencer, évidemment, on parle de SpaceX, on va parler de Tesla, toutes les deux des firmes d'Elon Musk, pour laquelle il y a une grande promesse, c'est le full self-driving total complete qui fait que en gros ta voiture vit plus que toi en toute autonomie, et en fait bah, va peut-être falloir se calmer, Guillaume, du coup. Ben oui, pourquoi ne pas embrayer avec Tesla? C'est tellement journalistique, faut que je me méfie quand même, je file un mauvais coton, hein, je trouve. N'en fais pas ça, faut pas aller jusque là. Donc Tesla, oui, qui va déployer donc plus largement son full self-driving et le proposer pour 10 000 dollars donc à plus de clients. Alors quand je dis full self-driving, vous pensez sans doute, hein, on se demande pourquoi, que c'est une fonction où votre voiture devient totalement autonome. Voilà, rapport peut-être au full, logiquement, au self et au driving. Oui, c'est vrai. Bon. M'aurait-on menti ? Bah en fait, non, c'est une appellation commerciale, full self-driving. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tesla, puisque le California Department Vehicle, enfin le California Department of Vehicle, ou je sais pas, enfin le DMV, voilà. Donc il a demandé des précisions un petit peu à Tesla quand même en fin d'année dernière, puisqu'il voulait quand même en savoir plus, à savoir quelles préconisations Tesla allait donner, rapport à la sécurité, tout ça. Bon, il a eu donc deux échanges de lettres en novembre et décembre, et il y a un site qui s'appelle Plainside, qui est un site donc de voilà qui publie des trucs tout transparent, ça quoi, qui publie des trucs qui sont pas vraiment privés. Enfin, je sais pas si c'est pas privé, mais je pense que comme c'est une instance publique, ça doit pas être privé. Mmh. Et donc il a publié les réponses de Tesla. Et on y lit noir sur blanc que le produit Full Self Driving n'est considéré que comme une assistance de niveau 2. Alors, rappelez-vous, Waymo est un niveau 4, est une conduite autonome de niveau 4. Et le niveau 5, c'est celui qui définit la voiture totalement autonome comme un humain, c'est-à-dire sur n'importe quelle route, dans n'importe quel type de situation, etc. Donc, d'après Tesla, ben, le full self-driving, il est donc dans la même case, en gros, que le régulateur de vitesse ou le système qui garde sa file sur l'autoroute, tu vois, mais pas bien au-dessus, en fait. Hein. C'est à se demander s'il n'y a pas une coquille finalement là-dedans. Bah, et c'est assez étonnant, mais il écrit aussi qu'il ne compte pas faire de progrès significatifs qui pourraient transférer la responsabilité du pilotage totalement à la machine, et que le système continue d'être une assistante à la conduite de niveau 2, je cite. D'autant que, toujours dans les courriers, hein, Tesla admet que le système peine à gérer tout un tas de trucs. En vrai, hein, les travaux, les objets statiques en plein milieu de la route, les débris, les machins comme ça, les poubelles, le mauvais temps aussi, les voies non cartographiées, les intersections complexes et mal indiquées, et bien sûr, les chauffards, les autres chauffeurs qui te trollent, hein, qui font exprès ou même pas de t'emmerder. Mais ça, c'est quand même pas mal de trucs de la vraie vie, quand même. Hein. Bah oui, c'est un peu le quotidien quand tu conduis. Et a priori, ce serait peut-être difficile d'y arriver, mais il y en a d'autres qui semblent plutôt bien y arriver, finalement. Bah, ce qui est clair, en tout cas, c'est que le full self-driving de Tesla ne dispense en aucun cas le chauffeur d'une vigilance constante. Donc s'il y a un crash et que t'es pas attentif, bah, en fait, t'es en tort, voilà, et puis c'est tout, et même si la voiture conduisait. Et Tesla, donc les Tesla peuvent se conduire en vrai, hein, toute seule, presque à 100% de San Francisco à Los Angeles, on l'a vu faire. Mmh. Seulement, Tesla ne prend aucun engagement sur le niveau de fiabilité de son système, ni même sur le temps qu'il lui faudra pour atteindre des niveaux supérieurs de fiabilité, hein, c'est clair. Donc la réponse de Tesla indique que d'ailleurs, elle semble indiquer que ce sera un peu long, et sans aucun doute beaucoup plus long que fin 2021, comme l'avait annoncé Elon. Bon, est-ce que c'est une surprise ça, par contre, que Elon était un petit peu optimiste? Vas-y. en sachant que dans cette histoire, il y a quand même aussi un truc sur lequel il faut qu'on s'arrête, c'est qu'il y a une énorme impatience de la part des technophiles, de la part des usagers, qui est d'ailleurs exacerbée par les promesses d'Elon Musk, je pense, et ses prises de parole sur le sujet. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Mais malgré tout, si on prend du recul sur tout ça, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on ne doit pas se satisfaire que ce soit lent comme technologie à être développée. Tu vois, on pourrait avoir de l'impatience et se dire « Oh là là, on nous a promis la Lune et finalement, on en est loin. » Mais finalement, moi, je me réjouis qu'un truc aussi sensible et avec autant de paramètres dans les détails du quotidien soit long à mettre en œuvre. Bah, oui, c'est quand même un problème compliqué à résoudre. Hein. Faut pas rêver. Alors, du coup, Tesla, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il compte sur une amélioration itérative du système hein, pour atteindre un jour indéterminé. Mais bon, un jour, l'autonomie... Tendre vers, quoi. Comment ? Il va tendre vers l'autonomie complète, mais ça m'étonnerait qu'un jour il affirme l'avoir obtenu. Le truc, c'est pas trop les paramètres de l'asymptote, mais bon, y arrivera-t-il d'ailleurs ? En fait, la controverse hein, des partisans de la philosophie Waymo versus la philosophie Tesla, elle est pas du tout nouvelle. Les premiers verront un signe d'ailleurs, mais c'est pas certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas hein, jamais que les clients qui sont un peu bêta-testeurs finalement du futur full self-driving ne payent un accident, les ratés du système. C'est ça, c'est sûr. Alors, et c'est que d'ailleurs, c'est exactement l'argumentaire de Waymo. C'est parce qu'à l'autre bout du spectre, ça fait 5 ans que Waymo peaufine son service de taxi autonome, dans son coin, tout seul. Donc, il a dernièrement fait des simulations de crash, d'ailleurs, des crashs qui sont réellement arrivés, mais où on a remplacé des voitures. Des reproductions, en fait, pour être exact. Ouais, ils prennent des accidents qui ont eu lieu et ils les reconstituent avec des voitures Waymo, c'est ça ? Exactement. Et le résultat est encourageant, puisque 100% aurait pu être évité si une Waymo avait été à la place de la voiture qui initie l'accident, et 82% aurait pu être évité si elles avaient été la victime dans l'accident. Bon, Waymo, c'est d'ailleurs... Très belle statistique. Bon, c'est bien de voir qu'on apprend des erreurs et des accidents passés, mais c'est quand même remarquable quand on sait que c'est un algorithme qui va faire ça et pas des vrais humains. Ouais, bah Waymo, d'ailleurs, au passage, hein, qui publie encore d'autres données de recherche pour la communauté dernièrement, c'est quand même 570 heures de données. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des cartes 3D, il y a des trajectoires, tout ce que les senseurs Waymo récoltent hein, et qui sont disponibles en public, enfin, qui ont été mis disponibles pour le public. Et bon, clairement, la différence de philosophie est claire, quoi. Waymo construit de zéro un système autonome qui sera, jour 1 de sa commercialisation, plus prudent et plus sécure qu'un chauffeur humain. Alors que pendant ce temps, Tesla part d'un système d'assistance à la conduite qui veut raffiner petit à petit pour atteindre un niveau suffisant, on va dire. Alors, qui va gagner ? Honnêtement, d'un point de vue technique, c'est pas clair, en fait. Hein. Par contre, d'un point de vue de sécurité... Et ça dépend à quelle échéance on se place aussi pour savoir qui a gagné. Aussi, bien sûr, oui, tout à fait. Ça dépend, mais, tu vois, qui va gagner la course, en fait. C'est pas du tout clair, en vrai. Bah, bon, en tout cas, j'en suis pas complètement certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue sécurité, on peut avoir des doutes, parce que ce que dit le CEO de Waymo, c'est on aura beau prévenir un conducteur, hein, vraiment le briefer avant... Enfin, si sa voiture parcourt 200 km sans souci, il y a quand même de bonnes chances pour qu'au kilomètre 201, il ne soit pas d'une attention parfaite s'il arrive une grosse couille. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais ce qu'il dit en substance. Ouais, c'est certain. Il y a un point d'ailleurs qui représente bien cette différence de philosophie, c'est que les Tesla sont des véhicules forcément extrêmement sexy, alors qu'à chaque fois qu'on nous parle de Waymo, on a des véhicules qui sont moins passe-partout et un peu plus imposants, de par la technologie du LIDAR qui est intégrée sur Waymo et qui n'est pas utilisée chez Tesla parce qu'il se base que sur des caméras. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une différence fondamentale de philosophie mais de choix technologique qui pourrait être préjudiciable? On avait déjà parlé, mais bon, il y a fort à parier que dans la décennie à venir et dans les quelques années à venir, le LIDAR devienne aussi facile à implanter qu'une caméra. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, quand ça deviendra peu cher et facile à mettre en œuvre, bah, Tesla passera au LIDAR. Exactement. Le LIDAR n'était pas assez prêt pour nous. Ce serait ça qui tira, je pense, Elon Musk. Allez, on continue à parler d'intelligence artificielle parce qu'il y avait évidemment des pontes sur le sujet, notamment il y a le Yann Lequin, qui a une pointure dans le domaine, qui est dans la compagnie Facebook. Et donc, il faut qu'on parle un petit peu de ce que fait Facebook parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle, Guillaume. Bah, dans tous les domaines, parce que finalement, c'est vrai que c'est marrant. Hein. Si on te demande ce que fait Facebook comme boîte, son cœur de métier, tu dirais quoi ? La pub, les réseaux sociaux et la pub. Ouais, en fait, dans les experts, pardon, excuse-moi, vas-y. Dans les présentations qu'ils font, c'est nous voulons rapprocher les femmes et les hommes du monde. Oui, c'est ça. Ils disent en fait, ils sont un réseau social qui rapproche les gens. Voilà, c'est leur grand truc. C'est ça. En fait, Facebook n'est pas vraiment un réseau social. Facebook, c'est un diffuseur de pub, c'est une régie pub. C'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle et qui travaille en réalité virtuelle et augmentée et qui, pour faire tourner ses business, possède plusieurs réseaux sociaux. Alors, pour la réalité virtuelle augmentée, j'exagère pas du tout, hein, puisque la Reality Lab Division, qui est donc sa branche à RVR, elle compte presque 10 000 employés, c'est-à-dire à peu près 20% des effectifs de la boîte. Et quant à l'IA, y a quand même un article très intéressant hein, du MIT Technology Review sur comment fonctionne Facebook en s'appuyant sur la personnalité, en tout cas, de Joaquin Quinonello, le désormais boss de l'éthique IA à la boîte. Et bon, ce mec est intéressant parce que ce Joaquin, donc, c'est un vétéran. Il a intégré Facebook vers 2012. Et à l'époque, c'était un expert en machine learning chez Microsoft. Hein, et c'était Before It Was Cool. Souvenez-vous, 2012, on parlait pas d'IA. Et oui, ça existait. Il a donc développé, lui, des algos de machine learning pour le ciblage publicitaire quand il a intégré Facebook. Et donc, avec un ciblage de plus en plus fin et de plus en plus efficace, Facebook se sentait bien parti pour doubler Google. Et Joaquin a rapidement été promu. Il était dans le sein des saints d'ailleurs, à la fin, il était le bureau d'à côté Mark Zuckerberg. C'est incroyable. Wow. Ah, t'imagines la classe, tu le vois tous les jours. Et tout, tu parles de Top Chef à la machine des cafés, trop fou. Probablement, c'est évidemment. Certain. Donc voilà, Joaquin et son équipe ont développé des outils hein, simples et flexibles aussi pour s'adapter... pour adapter rapidement des modèles, même par des gens qui ne sont pas des pros quoi, du truc. Et ils ont mis du machine learning partout, du coup. Et en particulier, dans tout ce qui pouvait favoriser la croissance de Facebook. Et donc, l'engagement aussi à Facebook. Voilà. Toujours plus de gens qui restent toujours plus longtemps. Donc, le newsfeed a été dopé à l'IA, les recommandations, tout. Et donc, l'IA est devenue centrale chez Facebook. Il y a eu la création de deux énormes unités, hein, qui s'appellent FAIR et AML. Alors, AML est devenu FIRE après. Donc, FAIR, c'est le labo de recherche fondamentale de premier plan. C'est un des meilleurs labos IA du monde. Puis, il emploie Yann Lequin, un Français pionnier du domaine. Une fierté qui aurait dû être française, mais bon, passons, je veux dire, on va pas lui en vouloir d'avoir choisi d'avoir les moyens de travailler, quoi. Et donc, après, il y a aussi AML. AML, c'est Applied Machine Learning, et en fait, c'est la division qui s'occupe d'intégrer les algos de FAIR aux produits Facebook, au sens large, bien sûr, donc WhatsApp, Insta et compagnie. Et donc, en 2016 déjà, un quart des effectifs de Facebook utilisaient le framework de Joaquin, qui s'appelait FB Learner Flow. Il s'appelle toujours, sans doute, d'ailleurs. Donc déjà à l'époque, il y avait 1 million de modèles hein, qui avaient déjà été créés et testés pour tout, ciblage, recours, reconnaissance optique, dans les photos, modération de contenu, tout ce que tu peux imaginer. Et puis, bon après, on se souvient, hein, il y a des problèmes graves qui sont apparus. Donc il y a eu l'élection de Trump, il y a eu l'infox russe lors de cette campagne électorale, il y a eu le génocide au Myanmar quand même, il y a eu le Brexit, il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Et donc Facebook, il s'est retrouvé quand même dans la tourmente, a bien pointé du doigt. Donc il s'est excusé à répétition, mais bon, il a absolument rien changé à l'interne. Hein. La croissance a toujours été le maître mot, hein, et les bonus des employés en témoignent, hein, puisqu'ils sont toujours associés à la même chose. Le monde entier doit utiliser Facebook, et ça tous les jours. Et donc tout ce qui est un tant soit peu anti-croissance est écarté. Alors, Joaquin, c'est vraiment un bon gars, hein. Et lui, il a changé de fonction, il a demandé à changer de fonction, hein. Il a créé un pôle éthique de l'IA à Facebook. Mais bon, à l'époque, c'est les années Trump. Et Mark, il s'offre les services de Joël Kaplan, qui devient son conseiller politique, dans le domaine politique, et donc le couple Kaplan-Zuckerberg devient obsédé par les biais. Et en particulier le biais politique, et surtout la peur panique d'être considéré comme ayant un biais anticonservateur. Et c'est comme ça que Joaquin se retrouve spécialisé dans l'étude des biais en intelligence artificielle. Donc c'est un sujet important, les biais, attention. Hein. Sauf que ça n'a rien à voir avec les nombreux problèmes de Facebook. Et Facebook refuse en fait tout simplement de résoudre ou même combattre ces problèmes parce que soit ils sont anti-croissance, soit ils risqueraient d'être perçus comme un biais par une partie de la population de ses utilisateurs. Donc en gros, la polarisation de la société, la déprime, l'estime de soi chez les jeunes, l'infox, tout ça, voilà. Joaquin, qui est responsable, qui est donc Responsible AI et Joaquin, n'y peuvent pratiquement rien parce que c'est pas de leur ressort en fait. Donc Je suis sûr qu'il y a des solutions pour en trouver ou en proposer, Joaquin, hein, si on le laissait faire. Mais bon, non, voilà, plutôt, on fait un petit livre à destination des employés qui pourront y puiser des arguments pour se défendre en société. Quand on leur parlera des problèmes de Facebook, il y a un petit livre voilà, qui est distribué aux employés et qui est rempli d'études vantant les côtés positifs de Facebook, des études financées par Facebook. Et bon, la méthode Coué, c'est comme la tequila, ça marche toujours, hein, en tout cas jusqu'à un certain point. Le livre blanc pour les collaborateurs, pour aller propager la bonne parole, c'est magnifique. Je suis pas certain d'ailleurs de l'accueil qui peut être réservé à ce genre de démarche en interne, parce que je suis pas certain que les collaborateurs et les salariés Facebook, quand bien même ils ont sans doute des très bons salaires et qu'ils aiment leur boîte pour beaucoup, ils sont pas dupes non plus, quoi. Donc je serais curieux de savoir ce qui se passe. C'est aussi la com' interne, à mon avis, hein, parce qu'il y a plein d'employés de Facebook qui sont pas contents du tout. Effectivement. De la manière dont se comporte Facebook et dans toutes les situations, donc il y a, je pense que c'est aussi de la com' interne. Ouais. Effectivement, je pense que je n'avais pas identifié, mais c'est probablement aussi pour aller toucher ces personnes-là qui sont sans doute susceptibles de faire du tort à la boîte de l'interne, que ça peut avoir ses effets. Alors, l'IA, on en a déjà parlé, je vais schématiser très très rapidement un enseignement qui va être important pour la suite, c'est que, en gros, c'est des algorithmes, c'est des programmes qui vont digérer des masses de données où on leur a dit, bah voilà, ceci est un canard, ceci est une pomme, ceci est une voiture. Je schématise énormément parce qu'on a parlé de beaucoup d'autres choses dans l'intelligence artificielle, mais c'est plus pour illustrer le fait que elles ont souvent besoin d'apprendre en étant guidées. Et là, a priori, il y a des belles évolutions qui sont identifiées pour que les algorithmes apprennent un petit peu plus par eux-mêmes, Guillaume. Oui, c'est dommage de parler de Facebook comme ça aussi, parce que bon, franchement, ça bosse bien chez FAIR, la division de recherche en intelligence artificielle. Donc ils ont mis au point une IA qui apprend avec moins d'intervention humaine. Effectivement, jusqu'à présent, pour connaître un labrador, il fallait montrer 8 millions d'images de labrador à une IA et en lui disant chaque fois, c'est un labrador. Aussi. Et pareil pour un castor. Bon, alors, du coup, c'est qui se braque le travail d'étiqueter tout ce fatra? En général, c'est un humain sous-payé avec les yeux rouges. Hein, donc, bon, comment réduire ça? Chez FAIR, ils ont mis en place un modèle qui commence par apprendre à regrouper les trucs qui se ressemblent. Donc, par exemple, les machins avec des poils, des oreilles tombantes et des gros yeux humides. Bon, ensuite, on lui montre quelques photos de labrador, qui sont du moins étiquetées. Étiqueté labrador, hein, et après, il récupère tout seul les photos qu'on lui présente comme étant labrador, et il repère tout seul qu'elles sont analogues à la catégorie de gros machins poilus avec des yeux humides, qui deviennent dès lors un labrador. Par exemple, comme ma grand-mère. Oui, mais ça c'est chacun. En tous les cas, pas besoin d'étiqueter des millions de labrador, en fait, c'est ça le point, c'est que quelques photos suffisent. Le plus beau, effectivement, c'est que ça marche pas que pour les labradors, c'est ça qui est, c'est bien, ça marche aussi pour autre chose. Et le système apprend tout seul, en fait, à détecter, à regrouper les caractéristiques d'un objet pour les associer ensuite à un concept, en quelque sorte. Donc ça ressemble plus à la manière dont on apprend nous-mêmes, en fait, hein, parce que c'est vrai que si on devait te montrer à toi 10 000 labradors avant que tu captes que c'est un labrador, on te considérerait comme un débile profond, je te le dis. C'est clair. Et tu deviendrais d'ailleurs un petit peu débile profond, je pense. Ah, ce serait difficile, oui. Donc, bon, cette percée, elle est aussi due aux moyens de Facebook, d'ailleurs, puisque FAIR a utilisé 1 milliard de photos d'Instagram pour entraîner son modèle. Des photos de vous, non, sans doute pas, puisque le GDPR empêche ça, et Facebook s'est bien gardé, évidemment, de prendre les photos des Européens. Le simple fait que FAIR ait utilisé des photos perso, d'ailleurs, sans consentement, et que certaines régulations le permettent et d'autres pas, et que du coup, s'ils avaient pas pu le faire, ça aurait peut-être ralenti les recherches en intelligence artificielle, tout ça, c'est autant de débats et de questions philosophiques que je vais m'abstenir d'aborder ici, je vous rassure, et je me rassure moi-même aussi. Cela dit, donc, si c'est un progrès réel, quand même, à terminer en disant qu'il faut pas croire non plus que ça y est, les machines apprennent vraiment comme nous, hein, faut pas déconner, parce que Facebook est pas le seul à faire des recherches sur le sujet, quoi, de l'apprentissage moins supervisé, ou presque, ou auto-supervisé. Ils en ont aussi chez OpenAI, donc ils s'amènent avec ce genre de truc, et chez OpenAI, ils ont un truc qui s'appelle Clip. Bon, Clip, il est plutôt efficace, hein, il est très versatile. Clip, il est capable de reconnaître Hailey Berry, autant en photo qu'en dessin, et en fait même il lit Hailey Berry quand c'est écrit, quand son nom est écrit dessus, donc en gros il sait lire, et ça c'est un problème en fait, parce que c'est là son talent d'Achille, parce qu'il est maintenant sujet aux attaques typographiques, et oui, les attaques qui sont effrayantes et qui sont faites avec un stylo. Oui, un stylo, parce que pour le coup, quand tu montres une Granny Smith à Clip, il reconnaît une Granny Smith. Mais quand tu montres à Clip une Granny Smith avec un sticker écrit tronçonneuse, il dit que c'est une tronçonneuse. Je trouve ça et génial. Quand tu lui montres une tronçonneuse, mais que tu rajoutes des petits symboles dollars partout, il te dit que c'est une tirelire. Donc, Clip, il est un petit peu confus dans sa tête. Voilà, l'IA de Facebook sera peut-être tout autant. Alors bon, bah, il faut quand même garder la tête froide. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelque chose, quand on regarde les images, là où ils trompent les pommes, etc. On peut se dire, c'est une pomme, connard. Ça donne vraiment envie de lui apprendre la vie. Le pauvre, le pauvre. Bon, on va parler des IA qui sont peut-être des solutions pour mieux identifier les fameux deepfakes, donc les vidéos qui ont fait l'objet d'un traitement pour qu'un visage, un autre visage soit posé, tout en conservant grosso modo les émotions. C'est toujours intéressant de voir que dans ce type d'innovation, il y a au départ la tromperie, ensuite la détection qui améliore du coup la tromperie, puisque quand on sait comment la détection fonctionne, la tromperie s'améliore, et inversement on trouve des nouvelles détections. C'est plutôt intéressant, là on en va quand même aller chercher dans le raffinement, parce qu'il va falloir aller regarder dans la pupille, Guillaume, pour essayer d'identifier des deepfakes. Oui, bah là, ça part de constat très simple, c'est qu'en général, quand tu regardes quelque chose, tes deux yeux reflètent la même chose, évidemment. Enfin, genre, tu vois, c'est quand t'es un véritable humain devant une véritable fenêtre, bah, en général, le reflet de la fenêtre, il est le même dans tes deux yeux. Et en général, donc, si tu regardes un gars et qu'il a pas le même reflet, mais vraiment un reflet très différent dans un œil et dans l'autre, c'est quand même assez suspect. Et ben oui, mais ça, par contre, c'est le cas des faux visages. C'est-à-dire des visages qui sont générés par des GAN, comme dans, par exemple, le site This Person Does Not Exist, ou par des deepfakes, des vidéos fakes, parce que tout simplement, les yeux, en fait, ils peuvent se ressembler visuellement, mais si ça se trouve, ils sont issus de photos complètement différentes. Ce sont des choses qui ont été digérées et qui viennent de photos différentes. Donc il y a une possibilité de quantifier la similarité des reflets dans les deux yeux, et si ces reflets sont suffisamment dissemblables, on peut à coup sûr se dire que cette personne n'est pas une vraie personne. Bon, quand on a dit ça, c'est déjà bien, effectivement. Après, évidemment, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qui se passe quand on voit qu'un œil du genre, ben, évidemment, on ne peut rien dire. Et surtout, maintenant qu'on sait qu'il y a ce détail, ben, voilà, on peut très bien le corriger en post-prod manuellement, tout simplement. c'est ça le gros souci. Mais bon, si tu veux, ça veut dire qu'il faut encore faire un effort supplémentaire pour que le deepfake soit non détectable par cette méthode. Donc c'est encore un truc qui est... Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Et puis bon, quelque part, voilà, les deepfakes se détecte un petit peu mieux, mais on voit finalement que les algos de machine learning deviennent petit à petit des outils de tous les jours, quoi. Donc, que ce soit pour des mèmes marrons et idiots comme avec Wombo. Donc Wombo, c'est une startup qui en deux semaines, en gros, a mis au point un logiciel qui synchronise les lèvres de n'importe quoi, donc un dessin, une photo ou même ou un M&M's sur une chanson prédéfinie. C'est pas très compliqué en fait, hein, et c'est même Lovecraft. J'ai vu Lovecraft chanter. Ben oui, Lovecraft peut chanter, bien entendu. C'est pas bien compliqué à faire d'ailleurs, et c'est pas très bien fait non plus, mais c'est marrant et donc du coup ça cartonne. Rigolo. Alors plus sérieusement, il y a quand même Adobe qui a lancé son outil de super résolution aussi, qui quadruple la définition d'une photo RAW ou JPEG, et c'est vraiment très impressionnant. Bon, je vais aller voir la vidéo, je peux pas trop vous en parler plus à l'oral, c'est difficile, mais en tous les cas. C'est vraiment un outil qui peut s'avérer intéressant pour améliorer la qualité des photos. Au plus votre photo est belle en plus, au plus votre photo est de haute résolution, au plus c'est impressionnant, c'est assez incroyable. Et c'est du DLSS un peu de photos. Ouais, c'est exactement ça, c'est du DLSS de photos. C'est exactement ça en fait, l'algorithme. C'est entraîné à voir des photos en basse et en haute résolution, et du coup, il peut imaginer ce que ça serait, quoi, tout simplement parce qu'il a assimilé des milliards de détails. Enfin, des milliards de caractéristiques d'images en basse et en haute résolution. Donc, quand il reconnaît une de ces caractéristiques en basse résolution, il peut inférer entre quelle caractéristique et quelle autre elle se trouve, et il peut donc en cracher une, quoi. Ce qui est génial, c'est que Photoshop est donc de cette même société est déjà très bon pour agrandir les images de manière plutôt propre, tu vois, il fait pas que étaler les pixels bêtement, il le fait déjà proprement, mais j'imagine que là, d'après ce que je voyais dans l'article et les témoignages, ça a l'air bien plus bluffant, en fait. Ouais, il y a déjà plein d'algorithmes d'upscaling, hein. C'est juste encore meilleur que ce qui se faisait, quoi. Ouais, impressionnant. Et puis un dernier élément autour de la reconnaissance faciale nocturne, pour le coup. Oui, c'est vrai, encore plus sérieusement, du coup, l'armée est en train d'entraîner des systèmes de reconnaissance faciale dans le noir. Pourquoi pas? En fait, il suffit d'entraîner des machines avec des images issues de dispositifs de vision nocturne, alors donc que ce soit donc de l'infrarouge ou des amplificateurs de lumière. Donc évidemment, pour ça, comme d'habitude, hein, il faut beaucoup de visages, et c'est vrai que pour l'instant, l'armée n'a pas tant que ça, parce que là, l'armée, la DARPA, ils ont quelque chose comme 500 000 images de 395 personnes en mode nuit, donc ça pèse pas bien lourd. C'est encore balbutiant, mais je parierais que ça va se développer très vite. Après tout, qui a besoin de lumière? Moi peut-être, hein, mais les robots, aux œufs la nuit. Hein. T'as besoin de lumière, Guillaume? T'as besoin de luminothérapie, peut-être, pour être plus en forme? Ah là là. Oui. Si vous voulez contribuer au bien-être de Guillaume, peut-être participer à Patreon pour qu'il puisse financer un appareil de luminothérapie, ça lui fera du bien. Oui, ça lui fera du bien. Tu parlais de lip-sync, donc cette technologie qui synchronise hein, les lèvres avec les propos tenus. Bon, c'est une technologie qu'on va retrouver dans notre première news de la rubrique jeux vidéo et on va la retrouver du côté de chez Vive, Guillaume. Bah oui, HTC a annoncé donc pour son casque de réalité virtuelle, le Vive Pro en particulier, il a donc c'est une espèce de capteur un petit peu bizarre qui se place sur le bas du casque et qui filme votre bas de visage en fait, donc vos lèvres mais aussi vos mâchoires et votre menton, tout ça. Et ce qu'il fait donc, c'est qu'il utilise des caméras infrarouges pour faire ça et en fait, il envoie les données à une API, et cette API est capable d'en déduire la position de vos lèvres et donc de transcrire sur votre avatar votre expression faciale. Et c'est vraiment bluffant. En fait, il y a une vidéo qui montre comment ça fonctionne. Donc le truc, c'est quand vous tirez la langue, ben, voilà, pour faire tirer la langue, quand vous souriez, et voilà. Enfin, en gros, toutes vos expressions sont retranscrites de manière vraiment fidèle sur des avatars qui peuvent être des avatars complètement cartoon, bien sûr, c'est pas forcément votre tête, évidemment. Et puis en plus, il a aussi annoncé donc une troisième génération de ces trackers, donc les trackers palmaires, ces trucs-là, qui détectent aussi la position des doigts et de vos bras aussi. Ils peuvent évidemment inférer la position de vos bras. Ce qui fait qu'au final, vous avez droit, avec le Vive Pro, vous avez droit à un avatar qui bouge comme vous, enfin, dont le corps et les bras et les mains bougent comme vous, et qui en plus, dans la position de la tête est retranscrite par le casque, et donc la position de toute la mâchoire est retranscrite par ce nouveau machin là, ce nouveau truc qui s'appelle le Vive Facial Tracker, qui coûte $130. Et au final, bah oui, vous avez clairement un avatar crédible qui... Ben c'est sûr, hein, suscite plus d'empathie, vraiment, et plus de connexion qu'un avatar fixe et statique. Et c'est pas un hasard, hein, ce genre de truc va probablement se démocratiser, puisque Mark Zuckerberg a dit, il y a pas très longtemps, en fait, la semaine dernière, que c'était une des priorités d'Oculus et de la division VR de Facebook, de faire de la capture des yeux, donc du suivi de regard, et du suivi d'expression faciale aussi, pour les plaquer sur des avatars virtuels. C'était une priorité. C'est vrai que quand tu joues déjà avec les Mimoji, là, tu sais, sur iPhone, déjà tu trouves ça rigolo, tu trouves ça sympa de voir qu'il y a un peu d'interaction, mais tu vois bien que le truc, il est limité à mort, tu peux pas ouvrir beaucoup la bouche, t'as pas une variété d'ouverture de bouche très différente, et j'imagine l'effet waouh que ça doit être. Et tu sais que Mark Zuckerberg identifiait la réalité virtuelle comme à terme une solution, une forme de téléportation. Je commence à en voir les dessins, parce que quand tu arrives à aussi bien restituer la présence de quelqu'un, pourquoi pas à distance, en tout cas en ligne, c'est intéressant. Bon, il y a encore du boulot, hein. Là on parle juste des lèvres, mais il y a sans doute encore beaucoup de boulot sur plein d'autres aspects. Bon, tu vas nous parler d'une introduction en bourse, alors d'une société, je suis désolé Guillaume, ma culture vidéoludique est vraiment très mauvaise, je ne connaissais pas Roblox. Et pourtant Roblox, c'est un gros Blox, hein, il faut dire ce qu'il y a. Parce que donc déjà c'est une société qui quand même qui veut donc rentrer en bourse, qui veut devenir publique, et qui a donc fait une IPO à $45 milliards. C'est quand même 18 fois le prix d'achat de Minecraft, ce qui est absolument incroyable. Alors qu'est-ce que c'est Roblox ? Roblox n'est pas un jeu du tout. Roblox, c'est une plateforme de développement de jeux, en fait. Donc c'est une sorte de Unity, mais de Unity ultra facile à utiliser, totalement visuel, enfin pas totalement visuel, tu peux faire scripter c'est scripté en Lua, je crois. J'ai jamais utilisé vraiment, mais c'est scripté en Lua, il me semble, et donc tu as tout un tas d'outils avec un éditeur 3D, etc. Et en vérité, il n'y a pas un jeu Roblox du tout, hein, il y a des millions de jeux Roblox. Mais vraiment des millions, je veux dire 18 millions. Il y a 18 millions d'expériences qui ont été générées par les utilisateurs de Roblox. Alors 90% des gens passent des heures sur les 1000 premiers, hein, c'est-à-dire évidemment il y a 18 millions de trucs, mais bah, il n'y en a jamais autant évidemment qui sont utilisés. Cela dit, il y a des millions de joueurs quotidiens à Roblox. C'est des joueurs qui sont très jeunes en général, puisqu'il y en a 25% qui ont moins de 9 ans, il y en a 29% qui ont entre 9 et 12 ans, et il y a 13% de 13-16, et en réalité, il n'y a que 14% de joueurs qui ont plus de 25 ans qui jouent à Roblox. Roblox, ça se joue sur mobile. Non, j'ai jamais testé. Ouais. Non, ça se joue sur. Non, j'allais dire, est-ce que tu as des références de titres qui seraient très très connus, qui s'appuieraient sur Roblox? Bah, il y a un petit peu tout en fait. Il y a un truc qui s'appelle à la Call of Duty, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des jeux de shoot, il y a des jeux de course, il y a des jeux rigolos, il y a des jeux de. Enfin, tu peux faire à peu près tous les trucs en fait. Tu peux faire des jeux comme tu veux sur Roblox. Roblox est une plateforme tout simplement de développement. Et c'est une plateforme de développement qui est monstrueuse puisque c'est 45 milliards de dollars. Ça le place entre Electronic Arts et Activision. Donc c'est vraiment monstrueux en fait. Hein. Activision est à 72 milliards. Et donc c'est un truc qui rémunère les programmeurs, enfin ceux qui font les jeux, et qui cherchent encore un peu un modèle économique quand même, mais c'est un truc qui, avec la pandémie, a atteint les 37 millions de joueurs quotidiens. Wow. Donc c'est absolument monstrueux, et Roblox c'est un vrai phénomène qui a encore été accéléré par la pandémie, ce qui explique en partie cette valuation boursière qui est stratosphérique. Roblox est dispo partout, hein, Android, partout. Console, PC, Android, App Store. Ce que tu veux, oui. C'est incroyable. Merci, je connaissais pas du tout le titre. On va terminer avec, forcément un petit peu pour terminer de crypto-monnaie, de la RTX, Guillaume. Ouais, je fais un petit tunnel crypto très très vite fait. En fait, j'avais dit la dernière fois que les cartes RTX 3060 elles seraient bridées par Nvidia pour pas qu'on puisse miner de l'Ethereum dessus. Et j'ai vu passer une news qui disait que les Chinois avaient déjà réussi à casser le code et à miner de l'Ethereum quand même. Et en fait, ce n'est pas le cas. N'est pas le cas. Et non, il y a eu un update. Il semblerait que les photos d'écran qui étaient prises par des mineurs à 50 mégahash là par seconde, en fait, ce soit un autre algorithme proche d'Ethereum, mais qui n'est pas du tout Ethereum. Ce serait de l'Octopus. Octopus, c'est l'algo de Conflux, et c'est une sorte de concurrent à Ethereum qui est basé sur un autre graphe. Qui est aussi ASIC résistant hein, comme Ethereum, et donc ce n'est pas Ethereum, et donc il semblerait que la protection ne fonctionne que pour Ethereum, du coup, et que du coup tu puisses quand même miner autre chose. Cela dit, le bridage reste actif, en tout cas pour Ethereum, ça n'a apparemment pas encore été craqué. Je sais pas quand ça le sera, quoi. Bon, écoute, on verra. De toute façon, il y a pas mal de trucs qui se passent comme d'habitude avec les crypto-monnaies. Il y a l'Inde qui va. Qui a un projet de loi pour interdire les crypto-monnaies, toutes, pour interdire d'ailleurs non seulement le minage, mais même le fait de posséder une crypto-monnaie, ce qui est quand même c'est assez violent, puisque ce serait la loi la plus contraignante du monde, en fait. Hein. Donc pour l'instant, c'est un projet, mais comme le gouvernement a une confortable majorité au Parlement, il y a une bonne chance que ça passe, en vrai. Donc c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, bon, voilà, il y a Bitmain aussi, d'ailleurs, qui est un fabricant d'ASIC, qui voit ça d'un assez mauvais œil. Bitmain, c'est assez marrant, c'est un Chinois qui n'est pas très réglo. En fait, il a essayé de piquer des mecs à TSMC, de piquer des ingénieurs. Et TSMC a répondu en le faisant passer en dessous de la pile. La pile des demandes pour fabriquer des composants. Parce que, bon, évidemment, TSMC, ils sont sous l'eau en ce moment, et c'est logique, hein, tout le monde se bat pour les chaînes de production. Donc les crypto-ASIC, hein, dont la demande varie quand même beaucoup en fonction des fluctuations du marché, ça passe après les GPU, quoi, donc et aussi les mobiles, etc. Et donc, voilà. Parce que bon, le problème ne s'arrange pas, hein, un dernier fini là-dessus. Qualcomm est d'ailleurs le dernier à être victime de la pénurie, et la pénurie est de plus en plus sévère. Dans son cas, d'ailleurs, c'est Huawei qui est hors jeu, qui donc lui rapporte énormément de commandes. Et c'est des commandes auxquelles il a du mal à répondre. Donc en particulier sur l'entrée et le milieu de gamme. Et bon, ben voilà, donc c'est assez rigolo. Hein. Là-bas, tu sais, dans les composants comme ailleurs, c'est pareil que pour le PQ, en fait. Hein. Ça, il y a des comportements d'achat compulsifs. Tout le monde fait des stocks de tout, même des composants basiques, et ça accentue encore le problème. Et parallèlement, t'as la sécheresse à Taïwan. Comme le PQ et les pâtes, tu nous avais fait un article dans la newsletter à l'époque. Ouais. On avait notre newsletter où tu nous avais relayé effectivement cette étude qui montrait à quel point le manque visuel de grands trucs volumineux dans les rayons accélère les mouvements et voire même les crée, les empire. Je trouvais ça génial. Après, oui, c'est compréhensible. Et puis surtout que parallèlement, tu as la sécheresse à Taïwan qui ne s'arrange pas. C'est la pire depuis 56 ans. Et alors, malgré ça, les dirigeants assurent qu'il y aura assez d'eau jusqu'en mai en faisant un peu attention. Il faut voir que le secteur des semi-conducteurs consomme beaucoup. Ils font venir par camion, hein. En plus. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a le textile, l'agriculture aussi. En fait, 70% de l'eau en fait, va à l'agriculture et 20% à l'industrie. Et donc, il ne reste que 10%. C'est presque rassurant. Il n'y a que 10% qui vont à la consommation des ménages. Mais du coup, ça veut dire que si tu manges à cher, comme ils font là, certaines terres, ça aide. Donc, ils rationnent l'eau déjà. Hein. Et, mais bon, c'est une situation qui pourrait ne plus être exceptionnelle très longtemps, puisqu'il a quand même plus deux fois moins sur Taïwan en 2020 qu'en 2019. Et les typhons, ben, en gros, d'habitude, ils en ont 3 ou 4 chaque année. Là, ils n'en ont eu que dalle, ils en ont eu 0. Donc, Bon, écoute, c'est une note trop triste pour que je rebondisse sur ces éléments pour notre planète, Guillaume. Parlons d'OVH, alors. OVH, ouais, ça repart. Tu voulais en parler un petit peu ? Ouais, oui, il y a eu un gros incendie, vous n'avez pas pu manquer ça. Un gros incendie qui a ravagé une partie du centre de Strasbourg d'OVH. Donc, tu sais, je fais une petite parenthèse, c'était la blague d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y avait un truc qui plantait, la blague qui revenait tout de suite, c'est « Ah, vous étiez hébergé chez OVH !» ça a coupé des millions de sites hein, à travers le monde entier quand même. Hein. C'était assez fort. Donc, il y avait quatre gros machins, quatre gros secteurs. Le secteur 1 a été partiellement touché, le secteur 2 a été détruit, et les 3 et 4 ont été préservés, sauf mais bien sûr, il a fallu couper le courant. Et donc là, ils sont en train de redémarrer petit à petit, remettre la tension, c'est des hautes tensions en fait, c'est des gros machins en tension, c'est vraiment, bon, c'est pas évident quoi. Donc voilà, il y a le 14 mars, il y a une page qui récapitule la situation, donc si vous êtes hébergé chez OVH, il y a une page exprès, où ils disent, où ils ont des petits calendriers de relance comme ça, et aussi où ils disent, qu'est-ce qui est récupérable, qu'est-ce qui n'est pas, parce que les backups, quand il y a des trucs détruits, parfois, il y a des trucs qui ne sont pas récupérables, donc bon, à voir. Malheureusement, ça arrive. Tu as vu, quand tu tapes OVH status dans Google, tu as directement dans le niveau zéro des résultats, tu as déjà des informations dans les résultats de recherche. Non, mais c'est vital pour beaucoup d'entreprises, en fait. Hein. C'est vrai qu'on se rend pas compte de ce que ça représente l'hébergeur OVH pour le nombre de services effectivement. Désolé, enfin je sais pas trop quoi dire par rapport aux personnes qui sont hébergées chez OVH et qui pourraient être pénalisées. En tout cas, c'est toujours malheureux de voir des destructions comme ça numériques. On espère qu'il y a le plus de backup possible et que ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Merci beaucoup, évidemment, Guillaume, pour la préparation de cette émission. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas assez de podcasts. Alors, on va leur recommander rapidement d'autres émissions qu'ils devraient écouter. S'ils ont aimé Tech Café, ils aimeront peut-être Tech Café Domotique. Le tout dernier épisode, là, dans le flux du podcast Tech Café, c'était une interview de l'équipe de Tech Café Domotique de Cédric Loqueneux, qui est le monsieur qui est derrière le site Maison et Domotique. Et il a même écrit un livre, donc c'est le guide de la maison et des objets connectés. Je sais que tu avais des petits soucis pour des branchements d'ampoules connectées, Guillaume. Peut-être qu'il aurait la solution. En tout cas, je vous invite évidemment à écouter Tech Café Domotique. Je vous invite aussi à écouter le dernier épisode de Paraculte, où tu étais présent aux côtés de Kassim Ketfi, une fois de plus, Guillaume, pour parler de Mass Effect et de The Expanse. Une thématique très science-fictionnesque. J'ai eu peur de me rater sur ce terme. Et puis, si jamais vous voulez vous éloigner un peu de la tech, je vous invite aussi à écouter le dernier épisode de Real Life. J'ai parlé, Guillaume, tiens-toi bien, j'ai parlé de la magie du sommeil. Si ça va pas te faire rêver, ça, la magie du sommeil. Ah, mais pour tous les papas du monde, c'est devenu une magie, hein, c'est devenu un rêve. Oui, les papas et les mamans, surtout. Les mamans aussi, bien sûr. Évidemment. Ça doit être très très dur, effectivement, c'est la maladie terrible. Et alors dedans, je m'appuie sur un livre, et dans le livre, on liste tous les éléments négatifs du manque de sommeil. Purée, ça fait de la peine. En attendant, je voulais juste aussi vous inviter à réagir à l'émission. Alors, vous pouvez le faire en commentaire sur techcafé.fr. Vous pouvez bien évidemment déposer un commentaire sur Apple Podcasts, ça compte beaucoup pour nous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si jamais le format dans lequel on est installé depuis quelques temps pour Tech Café vous convient, à savoir, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un épisode... Alors en tout cas, les épisodes hebdo sont faits comme ça. Il y a un épisode où on n'est que Guillaume Pogjaspala et moi, et un autre épisode alterné où il y a en général un invité. Dites-nous si jamais ce format vous convient bien. J'ai l'impression que ça tourne bien, mais c'est toujours mieux si vous nous le précisez. Et puis, vous pouvez nous retrouver. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te joindre à titre individuel? Bon, écoute, pour l'instant, plutôt dans une Waymo qu'une Tesla, mais sans doute pas dans un spaceship. Et encore moins derrière des locaux OVH, il paraît qu'il y fait beaucoup trop chaud. C'est pas joli ça. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, @guillaumevendée sur Twitter et Instagram, et même dans ma newsletter, newsletter.guillaumevendée.fr. Merci beaucoup de votre fidélité, on se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.